J'étudie le français depuis 2 ans. Je l'attends depuis 2 heures. Ce magasin est ouvert depuis 3 mois. Je suis marié depuis 1986. Je suis malade depuis 1 semaine. Depuis son départ, elle est triste. Il est revenu depuis la semaine dernière. Il a changé d'attitude depuis un certain temps. Il ne travaille plus depuis l'âge de 60 ans. Il n'a pas écrit depuis 3 ans. Il est parti depuis longtemps. Je ne l'ai pas vu depuis 3 semaines. Depuis son accident, il n'a jamais voulu conduire une voiture.